ne reste que quelques jours pour faire son gamasinage de Noël. En ce beau samedi matin, l'inspecteur Le Bif fait irruption dans le centre commercial, les Galeries des Gratrans. Il est accompagné de son neveu, Henri Talin, à qui il veut inculquer les grandes valeurs traditionnelles, en commençant par la visite au royaume du Père Noël. Ce ne sera pas chose facile, car Henri Talin est un enfant téflon de la pire espèce. Et de plus, il est âgé de 13 ans. Henri Talin, vilain garnement, redonne tout de suite la marchette à la dame âgée. Merde, y a plus moyen de se faire du fun! Je vais t'en montrer, moi, du plaisir. Et en toute légalité et fraternité. Allons, viens, on va aller voir le bon Père Noël. Hey, y a un attroupement autour du vieux bonhomme rouge. Hey, t'es là, je suis le gardien de sécurité du centre commercial. Que tout le monde se tienne à 10 mètres de la scène du crime et que personne ne bouge. Regardez-moi ça. Un agent de sécurité. Amateur, quoi. Oh! Écoutez tout le monde! Ma sonnerie de téléphone cellulaire ultra personnalisée! Écoutez! Mona? Mona? Quoi, quoi? Faudrait peut-être répondre. Ah, oui, oui, d'accord. Allô, chef? Quoi? Vous me confiez l'enquête? Bien! Hé! Je suis officiellement en charge de cette enquête! Que tout le monde se tienne à 10 mètres de la scène du crime et que personne ne bouge! De que qui se passe? Le Père Noël est dans tous ses états. La fée des glaces a été enlevée. Il me faut maintenant trouver des indices. Henri, as-tu une idée quelconque? Quoi, Henri? Tu as déjà une idée? Vas-y, c'est intéressant. Non, non, c'est mon grand chum, Pierre-Henri Poulet-Leboeuf. Hé, hey, Pierre-Henri Poulet-Leboeuf, t'es venu voir le Père Noël, toi aussi? Tu n'as pas mon chum? Tu n'as pas mon chum? J'ai bien peur que cette fois, le mystère soit insoluble. Hein, mon oncle, j'ai trouvé mon cadeau de Noël. Je veux une affaire comme celle qui bouge dans la poche du Père Noël. Regarde là. Quoi? Comme c'est étrange. Mais attendez un peu. Père Noël, ouvrez-moi votre sac immédiatement. C'est un ordre. Au secours, sauvez-moi. Oh, vous m'avez sauvé. Quoi? Hé, oh. Mais c'est la fée des glaces. Père Noël, c'est vous-même qui l'avez enlevé. Au nom de la loi, expliquez-vous! Oh, oh, oh, oh! Mes chers petits-enfants, j'avoue mon crime. Les Pères Noël sont syndiqués maintenant. Et à partir de l'année prochaine, il va y avoir une nouvelle convention. Et dans la nouvelle convention, il y avait une clause de discrimination positive. Ça veut dire que quand on applique sur le poste, s'il y a une femme, c'est elle qui est sélectionnée automatiquement en priorité. La fée dégueulasse, oh oh oh, m'avait dit qu'elle appliquerait. Et je voulais pas perdre ma job de Père Noël. Je me vois pas en fée des glaces. J'avoue mon crime, oh oh oh oh. Ha ha ha, Père Noël, en route pour la prison. Hey, vous, là, nous autres, on veut voir le Père Noël. On veut voir le Père Noël. Pas question de décevoir toute cette belle jeunesse. Un instant, Père Noël. Donnez-moi ça, cette barbe, cet oreiller, ce costume. J'assume la situation. Je vais prendre la relève. Ha, ha, ha, ha! Mes chers petits-enfants, approchez par ici, approchez par ici! Wow, mon oncle! Quel bon réflexe! Mais c'est quoi ton secret? Ha, ha, ha, ha! Mais je fais avec, mes chers petits-enfants! Je fais avec!